Cultiver la paix de l'esprit et longévité, voilà le thème de cette conférence audio. Donc, dans un premier temps, je veux vous mentionner que vous allez pouvoir voir que dans l'image de fond, et c'est volontaire, le contour est doré. Donc, pour installer une vibration qui est un petit peu différente de celle de mes enregistrements habituel où le contour de l'image de fond est rouge. Donc, le but de ça, bien, c'est de souligner que la dynamique de l'enregistrement présent vise à être un petit peu différente. Donc, l'objectif, sinon, d'enregistrement est quand même en continuité avec une démarche que j'ai entamée il y a quelques jours. J'avais fait un enregistrement où ce que je visais à faire de la canalisation en relation avec le processus de vieillissement que j'étudie ces temps-ci. Et là, la question, c'est d'aborder la culture de la paix de l'esprit en relation avec la longévité. C'est que j'en suis venu à la conclusion que ce qui favorise la santé, donc être capable de vivre sur une longue période de temps, c'est de cultiver un choix de la paix de l'esprit. Et c'est sûr que ça peut participer à réduire le vieillissement. Dans le sens que être en paix dans l'esprit, ça évite une usure prématurée du corps biologique. Donc, quelqu'un qui est en paix puis qui sécrète peu de l'hormone du stress, qui n'a pas de problèmes qui alourdissent le fonctionnement de l'organisme, problèmes de gestion de l'émotion à différents niveaux, ça peut être l'anxiété, l'angoisse, etc., qui gruge beaucoup d'énergie, ben, à ce moment-là, si la personne dilapide moins ses énergies à sécréter, à métaboliser ses émotions, avec la métabolisation, par exemple, de l'hormone du stress, du cortisol et d'autres, bien, à ce moment-là, ça peut favoriser quelqu'un qui va vivre longtemps. Donc, l'état d'être, pour moi, là, ce qui m'est venu en tête en relation avec la thématique, c'est que l'état d'être que la personne cultive jour après jour dans son quotidien a une incidence sur sa longévité. Donc, une dimension subjective qui est en relation avec ça. Et c'est sûr que de cultiver la paix de l'esprit dans sa conscience, et pour moi, c'est quelque chose de très sain. Et je fais des observations par rapport aux gens qui vivent longtemps. Je vais parler de personnes que dans certains cas que j'ai connus, ben, tiens, comme par exemple ma grand-mère, que je connais très bien. Donc, j'ai une grand-mère qui est toujours en vie, qui est âgée de 97 ans. Je vais essayer de le prononcer comme les gens en Belgique. Donc, parce que nous autres au Québec, c'est en fonction des chiffres de 20. Donc, 90-7. Donc, le chiffre 80 plus le chiffre 17. Alors qu'en Belgique, c'est en fonction de 9. Donc, c'est 97 ans. Donc, j'ai une grand-mère qui est âgée de 97 ans. Alors, je vais aborder la situation un peu de cette dame. Donc, là, ici, c'est mon petit clin d'œil aux gens qui m'écoutent là, de l'Europe. Donc, la particularité, c'est quoi le secret de sa longévité? Dans son cas, ce que je pourrais dire, c'est que son attitude à la vie, puis c'est ce que je constate aussi pour d'autres personnes dans mes observations. Donc, ce que j'en viens à la conclusion avec le temps, c'est que la façon que la personne compose avec la réalité, sa vision du monde, sa vision d'elle-même, participe à avoir une incidence sur sa longévité. Donc, dans son cas, à elle, elle va prier, ma grand-mère, trois fois par jour, Dieu. Donc, c'est une chrétienne qui, dans le fond, est catholique depuis très longtemps. Il y a une très grande foi en Dieu. Et que elle, ce qu'elle fait à chaque jour, elle est un peu comme une religieuse. Elle vit chez elle, tranquille, et à différents moments de la journée, elle va faire ses prières. Et dans ses prières, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va demander pour que ça aille bien dans la vie des gens qu'elle aime, qu'elle apprécie, donc les membres de sa famille, que ce soit ma mère, d'autres personnes aussi. Et en faisant ça, en visualisant que le meilleur pour les gens qui l'entourent, ça lui permet simultanément de sentir bien. Donc, si on visualise que par exemple, on prie pour un enfant pour qu'il ait de la réussite sur le plan scolaire parce qu'il fait des examens alors qu'il va à l'école, donc de visualiser que l'enfant qui réussit l'examen, demander à Dieu que ça aille bien pour qu'il fasse l'examen, puis d'avoir le sentiment de l'aider, d'avoir une forme de générosité par rapport à ça, lui donner une forme de support au niveau de la prière à l'enfant, ça peut apporter une certaine satisfaction personnelle qui peut participer à rester en vie, avoir une raison de vivre, à se sentir bien aussi. Donc, si on visualise que les gens sont heureux, puis on s'imprègne de cet état-là, ben, quelque part, un peu comme quelqu'un qui fait un traitement énergétique pour un autre, ben, la personne, d'ailleurs, je discutais avec quelqu'un qui est thérapeute, qui fait des traitements énergétiques, et la personne me disait que lorsqu'il donne un traitement, il vit lui-même, il expérimente lui-même le traitement, d'où le fait que faut que ça soit pertinent, que le traitement soit constructif, pour qu'une partie de lui-même en bénéficie. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est sûr que par rapport à sa conception de Dieu en tant que catholique, chrétienne, sa façon de se le représenter, lui appartient. Et peu importe, en fait, la conception de Dieu, qu'on le représente sous la forme de personnifié ou non, ce qui est important, c'est de regarder que son rapport à Dieu puis à la prière peut participer à sentir bien dans sa peau. Donc, puis générer un état d'être agréable, puis cultiver une forme de paix. Donc, quelqu'un qui prie pour d'autres personnes que ça aille bien, bien, dans un certain sens, c'est de générer un état de paix par rapport à ça. C'est comme de mettre de l'ordre, c'est comme de faire du ménage. Donc, il y avait elle, que je connais bien depuis plusieurs années. Et sinon, j'écoutais en fait, dans le cadre d'un bulletin de nouvelles, un reportage qu'il y avait avec un homme au Québec âgé de 91 ans. Et croyez-le ou non, dans le reportage, il était question qu'il travaille comme coiffeur, toujours à l'emploi. Et le monsieur avait l'air très heureux de reprendre son métier de coiffeur alors qu'il mentionnait avoir été atteint du COVID, du coronavirus, il y a quelques temps. Et on voyait qu'il y avait de la lumière dans les yeux, puis ce que je réalisais, c'est que quelqu'un qui a passé l'âge de la retraite, ici au Québec, c'est 65 ans, et qui continue à exercer dans un métier, c'est parce que quelque part, il aime ça, parce qu'il pourrait bénéficier d'une rente du gouvernement. Donc, quand la personne fait vraiment ce qu'elle aime, dans un sens, elle n'a pas besoin de prendre sa retraite. Elle va connaître un intérêt intrinsèque pour le métier qu'elle effectue, donc un intérêt pour faire la chose en elle-même. Si la personne, c'est sûr, fait ce qu'elle aime, ben, ça peut participer à l'amener à avoir une certaine paix de l'esprit, une certaine satisfaction personnelle. Donc, je trouvais ça intéressant. Sinon, bien, c'est sûr que comme autre individu avancé en âge, il y a André Moreau, le philosophe jovialiste québécois, qui est à présent âgé de 80 ans en cette année 2021, où est produit cet enregistrement audio. Et à la différence de ma grand-mère qui prie Dieu, parce qu'elle a une vision transcendante de Dieu, dans son cas, lui, il bénit. Il a une vision immanente. C'est sûr qu'il y a une conception où il est capable de procéder à, par exemple, à un investissement étrique de son être en bénissant. Donc, au lieu de prier Dieu, demander une force transcendante d'interférer à sa faveur, il va commander, de par la puissance de son être, à ce que certaines choses arrivent. Et dans sa conception de l'être, c'est bonheur, énergie, liberté et conscience. Donc, pour lui, l'être en tant que tel, c'est quelque chose qui est joyeux. D'où d'ailleurs l'appellation de philosophie jovialiste, donc philosophie de la joie, et être heureux pour rien. Donc, le jovialiste, c'est le triomphe de l'individu qui a surmonté le néant dans la joie. Donc, c'est la capacité d'être heureux, non pas en fonction des événements de la société, non pas en fonction de l'argent ou de l'amour, mais en fonction d'une décision totalement arbitraire qui consiste à être soi pleinement. Donc, se choisir comme absolu, comme il le disait en conférence à plusieurs reprises, c'est le seul choix qui ne nous divise pas et ne nous sépare pas. Donc, avec une philosophie pareille, ben, c'est sûr que ça favorise la longévité. Et c'est sûr que de partir du principe qu'en tant qu'être, bien, on peut générer, en le voulant, la possibilité d'être heureux puis d'installer cet état d'être-là, bien, c'est intéressant parce que on n'est pas à la remorque des événements ou les individus de notre entourage pour être heureux. C'est nous-mêmes qui initie le mouvement de bonheur. Et c'est la même chose pour la paix de l'esprit. On peut s'installer dans la paix de l'esprit puis initier le mouvement en dépit des situations dans lesquelles on se trouve, les problèmes sociaux, les problèmes de crise sanitaire, les problèmes de crise économique ou autres. Donc lui, sa philosophie, sa façon de penser, je trouve que c'est propice à vivre longtemps en santé. Il y a aussi Michael G. Rhodes, c'est quelqu'un qu'on m'a parlé récemment. C'est un enseignant spirituel et auteur, donc c'est un écrivain, qui est âgé de 84 ans. Donc, sur Internet, vous pouvez retrouver sur YouTube, également sur Facebook, là, des vidéos de lui. Et lui, à chaque mois, il fait une méditation. Healing Humanity Meditation, donc une méditation pour la guérison de l'humanité, si je le traduis en français, qui anime à chaque mois. Et la particularité de la méditation, bien entendu, c'est pour générer un état d'être agréable, un état d'être qui est sain. Et lui, il procède avec une visualisation où la personne visualise qu'une énergie rose, qui est l'énergie qui favorise la santé, la guérison, entre dans le cerveau, donc la partie gauche du cerveau, la partie droite, l'ensemble du cerveau unifié, l'ensemble de l'organisme, pour favoriser la santé de l'individu. Bien entendu, il y a peut-être des gens qui vont m'écouter et qui vont dire « Cette histoire de méditation, c'est totalement ridicule. » Par contre, le point, c'est que si la personne, lorsqu'elle fait la méditation, elle se sent bien et dans un état de paix mentale, à mon avis, de consacrer du temps et de l'énergie par rapport à ça, c'est plus sain que être les éponges des états anxieux que cherchent à nous véhiculer certains journalistes dans des bulletins de nouvelles. Autrement dit, de s'imprégner d'états agréables, que ce soit à travers la bénédiction, comme le fait André Moreau, la prière à ma grand-mère ou les visualisations à chaque mois. Ça dure à peu près une heure où là, il passe le corps à l'énergie rose, puis il peut passer les chakras en revue du corps humain. Ben, moi, je trouve ça intéressant pour s'occuper. Donc, en tout cas, je trouve ça plus sain que de se brancher sur la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur des crises économiques, la peur des variants, la peur. Non. Pour être en santé, il faut se brancher sur des idées saines. Ça, c'est une des conclusions dans lesquelles j'en suis venu. C'est sûr que vous n'avez pas nécessairement être en accord avec moi, faites vos vérifications, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous regardez Michael G. Rhodes, c'est un homme qui a l'air solide, en santé. C'est la même chose pour d'autres personnes qui travaillent avec une certaine vibration, une certaine volonté d'être heureux, de favoriser leur mieux-être et d'agir en conséquence. Et ma conclusion en observant différents individus qui vivent longtemps, c'est que pour vivre longtemps sur Terre, il faut aimer être sur Terre. Il faut s'aimer aussi, donc il faut être capable de s'apprécier. Parce que sinon, ben c'est sûr que si quelqu'un souffre sur Terre et n'est pas capable de neutraliser la souffrance, C'est sûr que ça crée une tension énergétique. Après un certain temps, ça peut l'épuiser, ça peut l'amener à vivre toutes sortes d'émotions, de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression. C'est sûr qu'il y en a qui en viennent à suicider. Non pas nécessairement parce que ces gens-là veulent mourir en tant que tels, mais parce qu'ils veulent que la situation dans laquelle ils se trouvent prenne fin, cesse. Nuance. Et si les gens ne sont pas bien, ben, il faut qu'ils trouvent des solutions constructives pour ajuster les situations. Si ils veulent, dans le fond, être dans un état de mieux-être. Donc, ça prend une certaine volonté d'ajustement. C'est possible de le faire, là, naturellement, parce qu'il y a plusieurs éléments là, qui entrent en considération en fonction des programmations d'individus. Naturellement, mais en fait, la conclusion que je fais par rapport à tout ça, c'est que les gens qui restent sur Terre longtemps, la façon que je vois ça, c'est qu'ils ont une volonté en eux d'être ici longtemps, dans le fin fond d'eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui ne veut pas vraiment être ici longtemps, ben, ça se peut qu'il y ait une dimension de lui-même qui le sabote dans sa vie. Parce qu'en été, il n'est pas bien d'être ici, puis il va être ailleurs. En lien avec ça, c'est sûr qu'il peut avoir le refus du phénomène de l'incarnation. Il peut avoir différentes choses. Et c'est sûr qu'il y a des gens qu'on va entendre parler qui sont morts dans un accident. Puis, dans le fond, on nous présente ça comme s'ils étaient victimes d'un accident par hasard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau métaphysique, au niveau occulte, l'intention fondamentale qu'a l'individu en relation avec son existence a une incidence sur sa vie parce que tout est relié. L'individu est relié avec l'univers. On en a l'explication avec la physique quantique. Donc, l'individu n'est pas séparé du champ quantique. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à des particules qui sont situées à des grandes distances d'interagir entre elles, même si elles ne sont pas reliées directement entre elles sur le plan physique. Ou le simple fait, par exemple, de regarder quelque chose a un impact sur l'expérience scientifique, ce qui veut dire que l'individu qui regarde n'est pas séparé de l'objet de l'observation. Donc, une interaction avec lui, puis même ça se pose d'une manière active sur le plan matériel en changeant les conditions de l'expérimentation. Mais le simple fait qu'un individu particulier regarde une expérience peut avoir une incidence sur le comportement, par exemple, des particules dans le cadre d'une expérience en relation avec la physique quantique. Ça a une incidence sur les résultats. Mais ce que je voulais vous dire, pourquoi que j'aborde la question de la longévité, c'est entre autres que j'ai eu à faire des mises au point dans ma vie, parce que comme beaucoup d'êtres humains, ça m'arrive parfois de ne pas être bien dans ma peau, de vivre des périodes des fois un peu plus difficiles. Et dans mon cas, ce que j'ai évalué, ça a été mon perfectionnisme. D'ailleurs, pour moi, le processus de conscientisation nous amène à visiter notre identité, à faire de l'introspection et faire des ajustements si on ressent des malaises dans notre vie par rapport à certains aspects. Donc, en ce qui me concerne, puis il y a certaines personnes sans doute qui m'écoutent, qui sont des gens qui, dans le passé ou jusqu'à maintenant, avaient tendance à être très perfectionnistes. Donc, s'il y en a qui m'écoutent, bien, je vous salue. Et ce que j'ai réalisé, entre autres, c'est que le perfectionnisme chez moi m'a amené à avoir des exigences très élevées par rapport à la société et très critiques. Et c'est sûr qu'avoir une vision d'évolution à long terme et le fait, par exemple, d'écouter des enregistrements en relation avec la conscience supramentale où on parle d'un avenir d'ici 2500 ans, sur ce qui est appelé à être l'humanité en relation avec une multitude d'ajustements vibratoires en termes d'idéal, c'est sûr que ça m'interpellait, donc en relation avec un désir de perfection que j'avais déjà en moi. Donc, par rapport à l'instruction supramentale qui vise à amener des changements dans la psyché des individus, leur comportement sur une longue période de temps, c'est sûr que ça entrait en résonance avec moi, en relation avec ma dynamique personnelle, entre autres. Et par rapport à ça, c'est sûr que en tant qu'individu, ça, j'étais de même déjà dans mon passé, puis aussi dans ma famille, il y a des gens très perfectionnistes. Donc, le bagage parental, l'influence parentale m'a nourri dans cette voie-là du perfectionnisme. Ça m'a amené à être très critique envers la société, très critique aussi envers moi-même, et à avoir tendance à centrer sur mon intention, sur ce qui ne marche pas dans la société, ou sur ce qui se passe avec le plan astral, les abus du plan astral, l'astral en tant que structure énergétique retardataire, constituée d'âmes qui ont déjà vécu sur Terre et qui sont en voie d'évolution, mais qui manquent d'ajustement, qui cherchent à dominer et qui, par orgueil, cherchent à influencer des êtres vivants alors qu'ils ne sont plus sur le plan physique pour les amener à avoir certaines actions qui ne favorisent pas le plein épanouissement de l'humanité. Donc, j'avais tendance à centrer mon attention sur ce qui ne fonctionne pas dans le réseau de la santé, sur le plan de l'économie, sur le plan de la gestion de l'environnement, sur le plan du développement de la psychologie, sur le plan du développement de l'éducation auprès des jeunes, etc. Donc, pensez beaucoup en fonction de manque, de carence, de parler de manque d'identité, les individus qui manquent d'identité, etc. Donc, une vision un peu comme la personne qui a tendance à voir le verre à moitié vide, donc qui est pessimiste, plutôt que à moitié plein. Et ça, ça a participé pendant une bonne période de temps à nourrir chez moi une forme de malaise. Et c'est sûr que j'en suis venu en conclusion en faisant de l'introspection, dans une volonté de pratiquer une espèce de lâcher prise ou de recadrage sur ma vie, de réaliser qu'à quelque part, que d'être très exigeant envers soi ou les autres pour des raisons de perfectionnisme et de volonté que les choses avancent, évoluent dans un certain sens, plus constructif, ben, c'est sûr qu'on risque tout le temps d'être frustré par rapport à la société puis soi-même, surtout si on met la barre haute par rapport à des standards. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Et c'est sûr que la haine de ses défauts, ce que certains appellent les failles de l'âme, et aussi la haine de l'astral, sont des éléments qui peuvent amener, s'ils sont entretenus, à nourrir en focusant, en centrant notre attention sur ces éléments, à connaître un état perpétuel de tension énergétique en soi. Donc, c'est sûr qu'on peut contester ce qui manque d'ajustement. Par contre, de trop centrer notre attention là-dessus, c'est une perte de temps. Donc, par exemple, quelqu'un peut contester que la gestion du système de santé manque d'ajustement. Et pour cette raison, au Québec, régulièrement, d'année en année, les urgences des hôpitaux sont débordées en hiver pendant le plus fort de la saison grippale. Donc, on peut dire que on peut faire une critique en disant que le gouvernement devrait mieux gérer les urgences des hôpitaux pour qu'il n'y ait pas de débordement. Ça peut être dit. La personne peut suggérer des moyens concrets d'agir. Si elle a un poste d'autorité par rapport à ça, ou d'agir en conséquence pour faire changer les choses, ou faire pression sur le gouvernement en participant à un groupe, à un lobby, à un organisme ou un rassemblement d'individus qui cherchent à faire pression pour amener des changements, mais une fois que l'action en relation avec ça est faite, il ne faut pas que la personne pense à ça 24 heures sur 24 parce qu'elle va s'épuiser. Donc, quelqu'un dans la même optique peut reconnaître qu'une faille d'âme, dans le sens que la personne peut reconnaître qu'elle manque d'ajustement dans un comportement. Ben là, un comportement individuel, c'est plus facile à ajuster qu'une société, mais la personne, si elle ressent vraiment le besoin d'apporter un changement, ben, elle peut faire l'ajustement. Donc la personne, par exemple, c'est un ajustement très ponctuel, la personne peut réaliser que elle a tendance à trop boire d'alcool, ben, elle réduit la quantité, tout simplement. Mais elle n'a pas à se culpabiliser là-dessus pendant plusieurs heures. Donc, quelqu'un qui haït ses défauts puis entretient ça, ça lui crée une tension, une division interne, et elle ne peut pas connaître l'unité de l'être. Et c'est sûr que sinon, ben, j'avais déjà entendu dire dans le domaine de la psychosomatique que le cancer est lié à la haine de soi qui crée un malaise, une tension énergétique au niveau des cellules de l'organisme humain et qu'en fonction de l'organe où il y a une faille qui est plus présente, donc l'organe qui est déjà fragilisé, ben, à ce moment-là, ben, c'est sûr ce qui peut arriver, c'est que l'organe qui est sous plus forte tension, ben, c'est là que ça éclate, où les cellules sous trop grande tension énergétique vont se rebeller contre l'organisme et devenir anarchiques. Et c'est sûr que si on fait la comparaison par rapport à une société, bon, ben, une société qui subit trop fortement la dictature, la tyrannie d'un gouvernement, ben, c'est sûr que ce qui peut arriver, c'est que des maillons de la société, un peu comme les cellules de l'organisme, se révoltent et deviennent anarchiques, refusent l'autorité du gouvernement de cette société et cherchent à vivre autrement, sans tenir compte des dictats de ce gouvernement. Donc, il y a des parallèles qui peuvent se faire, mais le point, c'est que la haine de soi, c'est ce qui est très destructeur. Et c'est sûr que le piège de quelqu'un qui va, dans le fond, à quelque part haïr l'astral en lui-même, ses défauts, ben, c'est de tomber dans un piège où la personne retourne son énergie contre elle-même, ce qui lui crée une tension interne qui fait de sorte qu'elle devient le terrain disponible pour la maladie par la suite. Donc, c'est ça qui est important à prendre en considération. Oui, l'individu a à se convertir à lumière, a à s'ajuster en fonction de ce qu'il a à être, donc en fonction de son actualisation. Par contre, le point, c'est que il faut qu'il soit capable de s'accueillir en douceur et avoir une patience envers lui-même. Parce que quand les gens sont perfectionnistes, souvent, les gens vont désirer évoluer rapidement. Moi-même, je voulais, il y a quelques années, changer ma vie rapidement, faire des prises de conscience, intégrer beaucoup d'éléments qui seraient favorables à ma vie dans un temps très court. Mais en réalité, les choses s'intègrent à leur rythme. Il faut avoir la patience par rapport à ça. Il faut s'accueillir. Il y a des journées où on n'est plus en forme. Il y a des journées où ce qu'on est plus ajusté avec les gens de notre environnement, d'autres moins. Si on doit faire des ajustements, on les fait, mais le point, c'est que la culpabilité envers soi, la dépréciation, tout ça, c'est des éléments qui, à long terme, peuvent être toxiques et nuire à la longévité et à la santé globale de l'individu. C'est des constats que j'en viens à faire avec le temps. Et c'est sûr que dans sa vie, on peut avoir à contester l'astral en soi, l'astral de la société, si on a à faire des réajustements ou se remettre en question. Mais l'essentiel, c'est de résider dans la paix de l'esprit pour pas être en mode continuellement à dépenser de l'énergie dans une optique de contestation. Parce que lorsqu'on conteste, ça mobilise de l'énergie, ça crée aussi des tensions énergétiques à l'égard de la force par rapport à laquelle on va effectuer une contestation. Et ça peut nuire. Quelqu'un qui est en contestation perpétuelle par rapport à une société ou l'astral de la société qui la sous-tend dans une optique d'ajustement, ben, ça fait une personne qui est continuellement sous tension. Et c'est sûr que ça devient à ce moment-là pas agréable de vivre sur Terre. Et c'est sûr que la personne qui monte en conscience, qui devient de plus en plus sensible et qui devient de plus en plus capable de percevoir les failles de la société, ben, c'est sûr que si elle est perfectionniste et idéaliste, ben, elle va vouloir que la société soit ajustée. Mais il ne faut pas non plus qu'elle cherche trop à ajuster la société parce qu'elle va un peu dilapider toutes ses énergies de son existence à faire ça. Puis même d'une existence, ça ne serait pas suffisant, ça y prendrait plusieurs vies. Puis dans un sens, tôt ou tard, la personne est appelée à se mêler aussi de ses affaires parce que s'occuper du monde, vouloir changer le monde, dans un sens, c'est une perte de temps parce qu'on ne peut pas amener un individu, une collectivité à changer si les gens n'ont pas à vivre ça, puis n'ont pas la capacité de changer aussi. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que si notre attention est trop tournée vers l'avenir, puis de parler pour le futur dans un cadre prophétique à l'égard de ce qui peut arriver dans 2500 ans, où on va idéaliser que ah, dans 2500 ans, les gens vont pouvoir se dématérialiser, il n'y aura plus de problème de santé, il n'y aura plus de menaces de virus, de menaces virales, il n'y aura plus de problème de pollution, il n'y aura plus de problème de pauvreté, tous les problèmes et les failles majeures de l'humanité vont être neutralisés. Si on centre notre attention là-dessus, en voulant vivre ça, ben à ce moment-là, on ne peut pas être disponible pour savourer les belles choses qu'on ne voit pas dans le moment présent parce qu'on est occupé à centrer notre attention sur un avenir éventuel. D'où l'importance de ne pas créer de décalage entre le moment présent et le moment de notre réalisation totale. Donc, il faut se donner le droit, comme en parlait André Moreau, de vivre pleinement notre auto-réalisation dans le moment présent. Donc, de bénéficier pleinement dans le moment présent de toute l'autoréalisation plutôt que de vivre dans l'espoir d'être réalisé éventuellement dans un futur ou dans un 2500 ans. Donc, il faut se donner à vivre maintenant la plénitude de l'être sans délai. C'est sûr qu'au fil du temps, on peut être travaillé par des énergies qui nous amènent à approfondir notre état. Par contre, ça n'empêche pas de réaliser que notre être en tant qu'absolu, c'est toujours dans le moment présent qu'il peut se manifester. Et que dans le passé, c'était un autre moment présent. Hier, c'était maintenant. Aujourd'hui, c'est maintenant. Puis demain, ça sera encore maintenant. Donc, vivons en fonction du maintenant intemporel qui dépasse la linéarité de la temporalité qui peut être conceptualisée par le mental intellectuel et réflectif. Donc, situons-nous dans un état d'être qui est par-delà. La trame qui se joue sur le plan physique, sur le plan biologique, qui est en relation avec un maintenant primordial que certains vont situer sur le plan nouménal versus celui phénoménal ou sur le plan éthérique versus celui physique. Donc, un moment primordial qui est intemporel, qui existait avant le plan physique. Et c'est sûr que si un jour le plan physique prend fin, parce qu'il a été constitué de l'énergie densifiée d'un plan plus subtil et que l'inverse se fait à travers l'éthérisation, ben, à ce moment-là, ce qui existera toujours, c'est ce qui a toujours existé. C'est-à-dire le plan de réalité qui existait avant celui de l'univers biologique manifesté. Donc, certains scientifiques vont parler d'un Big Bang qui a eu cours il y a peut-être 16 milliards d'années. Mais bon, avant ce Big Bang-là, où, à quelque part, il y a eu une explosion qui a amené l'émergence de la matière, ben, la réalité, il y avait déjà une réalité qui existait. Puis la réalité est acausale. Il n'y a pas de cause. La réalité primordiale est sans cause. Et l'individu qui est en contact avec l'être est en contact avec une réalité qui est par-delà la temporalité, parce que l'être englobe tous les espaces de temporalité conceptualisés d'une manière linéaire à partir de l'intellect réflectif. Donc l'être humain, en utilisant le mental inférieur, l'intellect, va conceptualiser un moment comme étant le passé, le présent et le futur. Mais ça, c'est une segmentation qui est faite en fonction d'une interface psychologique. Mais en réalité, il n'existe qu'une seule chose, que c'est un moment présent qui est intemporel, comme je le mentionnais. Donc, c'est de se brancher à ça. Puis, ce qui est la bonne nouvelle là, de l'enregistrement, c'est que c'est accessible ici et maintenant. Donc, et c'est sûr que l'état d'être que vous avez dans votre vie va teinter votre espérance de vie dans la mesure que c'est un état d'être qui est favorable, naturellement. Là. Et ce qu'on nourrit par rapport aux pensées qu'on a, au fil du temps, sur des jours, des mois, des années, des décennies, nous transforme. Transforme pas juste sur le plan des croyances qu'on peut avoir, notre cadre de référence au niveau psychologique, mais nous transforme aussi dans notre dimension biologique. Si nous pensons par exemple aux moines bouddhistes, donc il y a eu des recherches scientifiques qui ont été faites grâce au développement de la technologie, notamment à travers l'utilisation d'électroencéphalogrammes qui ont été utilisés pour évaluer l'activité neuronale, l'activité du cerveau des gens qui pratiquent régulièrement la méditation pour être capable d'en faire une évaluation objective à partir d'appareils. Donc, c'est sûr que la personne qui médite, elle peut dire qu'elle se sent mieux, elle se sent plus détendue, a une plus grande capacité à être centrique, etc. Mais au-delà du témoignage subjectif, il y a quand même une évaluation de l'activité neuronale et des différentes sphères, en fait, parties du cerveau qui peuvent être mobilisées dans le cadre d'une activité de méditation. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que des gens qui méditent depuis longtemps, ça va avoir une incidence sur le fonctionnement de leur cerveau. Et je vais dans ce sens-là par rapport à l'entretien de pensées qui sont saines, qui, à mon avis, peut avoir une incidence sur le fonctionnement du cerveau, ensuite du corps biologique aussi. Donc, c'est sûr que si quelqu'un fait de la méditation bouddhiste, justement, là, comme certains moines sur la compassion, la gratitude, ça peut favoriser des états d'être agréables qui vont amener certaines sécrétions d'hormones dans le cerveau plutôt que d'autres. Et c'est sûr que ce qui est important, c'est de regarder intérieurement ce que vous voulez dans votre vie par rapport aux prochaines années, puis par rapport à maintenant surtout. Donc, voir si vous voulez être bien dans votre peau. Puis, si ce n'est pas le cas, c'est d'agir en conséquence pour amener les ajustements requis. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement une démarche qui est facile. C'est sûr qu'il y a des choses que par rapport à notre environnement qu'on ne peut pas changer. Mais il y a quand même la possibilité d'agir sur notre état d'être interne. Et c'est là-dessus sur lequel je vais mettre de l'emphase dans le cadre de l'enregistrement. Parce que c'est sûr que quelqu'un, dans certains cas, ne pourra pas changer son état de santé physique ou changer son état financier ou changer dans la ville dans laquelle elle se situe si elle trouve qu'il y a beaucoup de pollution. Il y a des gens qui n'auront pas nécessairement la marge de manœuvre d'agir sur ces différents niveaux-là. Par contre, elle peut agir en relation avec son état psychique. Et c'est sûr que c'est quand même intéressant sur le plan individuel. Mais c'est sûr que fondamentalement, ce que je veux vous dire, c'est que la volonté ou non de vivre, et si quelqu'un a volonté de vivre, c'est de voir à quel point la personne a volonté de vivre, a un impact sur son espérance de vie. Donc, la pensée peut favoriser la santé comme également la maladie. D'où l'importance d'avoir une saine hygiène psychique. Par rapport à ça, je vais vous donner un exemple concret, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, la veille d'un examen important par rapport à laquelle la personne s'est préparée depuis plusieurs semaines, elle a étudié, elle a mémorisé beaucoup d'informations, donc elle a beaucoup dépensé d'énergie, elle a beaucoup investi dans des démarches intellectuelles. C'est sûr qu'à la veille d'un examen, quelqu'un qui vit du stress, très présent, c'est sûr qu'elle risque d'avoir des problèmes d'insomnie avant la réalisation de l'examen, un peu comme une personne qui va donner une prestation de théâtre et c'est la première d'une pièce. C'est sûr que la veille, la personne peut vivre de l'insomnie puis quelques instants avant de monter sur scène, avoir le tract, être sous tension. Par rapport à ce type d'événement-là, la pensée peut avoir un impact sur le sommeil. Donc, nuire au sommeil. Donc, trop de tension nuit au sommeil. Et au contraire, la pensée qui est présentée dans le cadre d'un enregistrement audio d'hypnose que la personne écoute peut favoriser son sommeil. Donc, je peux en parler parce que des expériences en relation avec mon vécu, quand j'étais jeune à l'école, Il y avait un examen important, ben ça me créait du stress, donc ça nuisait à mon sommeil. Puis des fois, quand que je fais de l'insomnie au milieu de la nuit, des fois je vais me réveiller, puis je vais écouter un enregistrement d'hypnose ou de méditation guidée pour m'amener dans un état de calme, de détente et de disponibilité au sommeil. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que la pensée peut favoriser l'insomnie ou au contraire d'avoir un sommeil plus grand. Fait que vous voyez que ça peut avoir beaucoup d'incidence. Concernant l'hypnose, je vais vous partager en bas de l'enregistrement présent que vous écoutez le lien d'un enregistrement sur YouTube qui est accessible d'hypnose que j'écoute une fois de temps en temps, que je trouve très agréable pour me détendre. Et me favoriser, me mettre dans un état pour dormir. Et des fois, je vais écouter l'enregistrement d'hypnose alors que je ne dors pas pendant la nuit. Et après avoir écouté ça, pendant à peu près une demi-heure, je vais me coucher puis je me rendors tout de suite. Donc, j'ai eu des résultats. L'important aussi, c'est le résultat par rapport à ça. Donc, un enregistrement pour une personne peut favoriser son sommeil, l'autre non, tout dépendant de sa réceptivité. Donc, c'est de voir à vous si ça vous convient ou pas, là. C'est selon chacun, là, naturellement, là. Sinon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que fondamentalement, tout l'enregistrement que je fais depuis tantôt, l'essentiel du message, c'est de dire que la pensée que vous pouvez nourrir en vous peut amener des émotions, des états d'être qui peuvent être favorables à la santé de votre corps sur le plan biologique, à votre être aussi dans sa multidimensionnalité, voire même retarder le processus du vieillissement. Donc, la pensée, si elle crée beaucoup de stress, d'angoisse, d'anxiété, de dépression, ça peut amener un vieillissement qui est prématuré, lié à une usure très forte de l'organisme, alors que si la pensée génère des états de joie, des états de gratitude, d'appréciation, ben à ce moment-là, ça peut vous amener des états qui sont favorables à votre longévité. C'est selon le cas. C'est sûr que si on prend la question du verre d'eau, on a un verre d'eau qui est rempli à la moitié. Donc, si on le décrit d'une manière neutre, un verre d'eau rempli à 50% de sa capacité, un pessimiste va dire qu'il est à moitié vide et un optimiste va dire qu'il est à moitié plein. Donc, c'est sûr que si la personne est tout le temps pessimiste, puis elle voit tout le temps l'astral partout qui manigance contre l'humanité, puis il y a une réalité en lien avec ça. Puis oui, il y a des gens qui sont sous influence astrale, qui vont être dans des comportements là, évolutifs. Mais même sans parler d'astral, il y a des individus qui sont sadiques, qui vont aimer faire souffrir les autres. Il y a une réalité derrière ça, je ne la nie pas. L'autre, l'optimiste qui voit les gens qui sont beaux, qui sont gentils, tout le monde va bien aller, c'est sûr que c'est une vision qui peut être voilée aussi. Par contre, le point, c'est que l'individu a à regarder sa vie de manière capable d'apprécier les choses. Parce que s'il voit tout le temps qu'il y a des choses qui ne marchent pas, puis il n'est pas capable d'avoir de la gratitude, ben à ce moment-là, il y a comme une insatisfaction qui est souvent là. C'est souvent le propre des perfectionnistes, comme je le disais tantôt. Et c'est sûr que dans ma vie, j'essaie de regarder, en dépit de, au moment où ce que je parle, dans la société, il y a une grande tension, là, où ce que je suis au Québec, là, en lien avec la crise du coronavirus, puis les mesures qui sont prises. Puis en dépit de tout ça, j'essaie de voir dans mon quotidien les choses qui m'apportent de la satisfaction. Donc, c'est sûr que ces temps-ci, c'est pas de regarder les bulletins de nouvelles. D'ailleurs, même avant la crise du coronavirus, ça m'en apportait déjà peu. Mais bon, présentement, je fais de la germinaison avec de la luzerne chez moi. Donc, à chaque jour, deux fois par jour, en fait, le matin et le soir, je vais arroser mes graines qui germent progressivement. En faisant ça, puis en voyant, puis ça grandit rapidement, là, de la luzerne. Ça m'apporte une satisfaction. Donc, le temps que je vais passer à caresser mon chat, j'ai un chat très affectueux. À chaque fois que je vais m'asseoir sur leur divan, là, en tout cas la plupart du temps, il vient me voir, puis il s'assoit sur moi, puis il se met à ronronner. Donc, j'essaie de profiter de ces moments-là pour être capable d'être dans un état d'être qui m'avantage ou que je célèbre la vie. Donc, c'est sûr, dans cet esprit-là, surtout par rapport à la pensée qui peut avoir de l'impact, j'ai l'intention de terminer l'enregistrement d'aujourd'hui avec des affirmations que je vais faire pour cultiver la paix de l'esprit. Donc, je vais les lire et les réciter à trois reprises pour trois affirmations différentes. Donc, l'idée de cette démarche-là, c'est qu'à travers l'affirmation, la parole, ça peut participer à générer un état d'être, comme en hypnose, on voyait que ça peut générer l'état de sommeil, mais la parole peut générer plusieurs choses. Ça peut faire autre chose que nous endormir, là, naturellement. Donc, je commence. Je me donne à vivre la paix de l'esprit, ici et maintenant. Je me donne à vivre la paix de l'esprit, ici et maintenant. Je me donne à vivre la paix de l'esprit, ici et maintenant. Je me donne à vivre un état de centricité favorable à ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je me donne à vivre un état de centricité favorable à ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je me donne à vivre un état de centricité favorable à ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je me donne à vivre la plénitude de l'être et l'amour réel que je peux ressentir de toute ma masse étrique. Je me donne à vivre la plénitude de l'être et l'amour réel que je peux ressentir de toute ma masse étrique. Je me donne à vivre la plénitude de l'être et l'amour réel que je peux ressentir de toute ma masse étrique. Donc, c'est ce qui termine là, la lecture de ces affirmations. J'espère que vous avez apprécié l'enregistrement d'aujourd'hui. Et si c'est le cas, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Vous allez d'ailleurs retrouver les coordonnées là, par rapport à ça en bas de l'enregistrement présent. Donc, en terminant, eh bien, je vous remercie sincèrement de votre écoute. Et donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.